Quoi de plus français qu'un bistrot? Certains auront toujours la cote, mais pour la plupart, les temps sont durs. Le café typique français, c'est des serveurs désagréables. Une réputation qui pèse sur les affaires, comme l'a constaté Samuel Beaumont. Il a acheté son café à Paris il y a 2 ans et demi. Avant, à cette heure-ci, donc il était 11h30, il y avait facilement 6-7 personnes qui buvaient. Maintenant, il y a des jours où il y a du monde, il y a des jours où l'apéro, c'est difficile, quoi. Dans le café de Samuel, les ventes au comptoir ont baissé de 25% depuis 2 ans. Au total, plus de 2000 cafés et bistrots ont fermé l'année dernière en France, 2 fois plus que les années précédentes. L'interdiction de fumer dans les lieux publics et la crise économique n'ont pas aidé, mais pour les professionnels du secteur, il n'y a pas que ça. Il est évident que les cafés n'ont pas fait assez pour se moderniser et s'adapter à la société. C'est la caricature que lorsqu'on parle d'un bistrot en France, on imagine toujours des toilettes qui n'ont pas été nettoyées depuis 1 ou 2 jours. Celles qui profitent de la crise, ce sont les chaînes. Elles se multiplient et concurrencent directement le bistrot du coin. C'est beaucoup plus agréable en plus de venir ici que dans le café du coin. C'est que c'est beaucoup plus bruyant, beaucoup plus désagréable et plus cher en plus. Avis donc aux bistrotiers, il ne leur reste plus qu'à baisser les prix et à changer leur déco.